Les deux prophètes par Horace von Hoffel. Stillendam est une douce ville bâtie au bord de la mer. C'est en Irlande, un pas de Flessingue, de Rotterdam et d'Anvers. Mais nul n'y va jamais, car il faut suivre un chemin trop compliqué pour s'y rendre. Une partie du trajet s'effectue en chemin de fer, le reste en voiture et en coche d'eau. On traverse tant de ponts et d'écluses qu'il serait plus simple d'aller tout droit à Hong Kong ou au Cap de Bonne-Espérance. Aussi, l'on peut dire que Stillendam est le lieu le moins fréquenté de la Terre. Depuis des siècles, on y observe les mêmes coutumes. La ville est divisée en deux quartiers, le quartier des bourgeois et le quartier des pêcheurs. Dans le quartier des bourgeois, toutes les maisons sont blanches et surmontées d'un pignon pointu. Au rez-de-chaussée, on voit la porte peinte en vert et une large fenêtre encadrée d'un châssis jaune. À chaque fenêtre est exposé un objet d'art, ici une statuette, un porte-bouquet de cristal, là une corne d'ivoire ou un vase du Japon. Dans le quartier des pêcheurs, les maisons sont rouges, les pignons arrondis et les châssis bleus. Au travers des fenêtres, on aperçoit des intérieurs, tous pareils, avec des murs clairs, un parquet dallés, en damier et des ustensiles de cuivre. Chaque intérieur est occupé par une ménagère aux joues roses qui raccommode des filets. L'étranger croit se promener dans un musée merveilleux, rempli de Vermeer, de Delft et de Terburg vivants. Tous les bourgeois de Stillendam s'habillent d'une façon identique. Ils portent une longue redingote noire, un pantalon gris fer, un gilet à fleurs et un chapeau de soie. Les bourgeoises ont conservé le vertu gardin et la coiffe rigide du temps de Catherine de Médicis, vieille mode qui doit dater de l'époque troublée, où les gueux de mer disputaient aux Espagnols la possession des îles de Walcheren. Au sujet du costume, on observe la même uniformité du côté des pêcheurs. Là, les hommes se reconnaissent à leur veste courte, à leur ceinture à boucles d'argent et à leur haute casquette. Pour un empire, les femmes ne renonceraient pas à l'ample jupe où le vent s'engouffre, au corsage sans manches, aux bonnets de dentelle, ni aux petits sabots de fée, cambrés, jolis et sculptés. Enfin, à Stillendam, la vie est si bien réglée que les fous eux-mêmes y retrouvent leurs esprits. Cela est vrai à tel point qu'on y édifie un asile modèle où l'on envoie tous les alignés du Brabant, de Frise, de la Gueldre et de l'Overijssel. Stillendam ne perdit rien de son calme pendant que la Grande Guerre ravageait le monde. Pourtant, deux de ses fils partirent pour les armées. Caesbert, qui s'en alla combattre avec les Allemands, et Caesdor, qui s'engagea dans la Légion étrangère. Ce n'était pas de sujet de tout premier ordre. Pendant 4 ans, on n'entendit plus parler d'eux. Mais après l'armistice, ils revinrent au pays. Caesbert apparut le premier. Il revenait du front russe. Son aspect souleva un cri d'horreur tant il était barbu, sale et couvert de vermine et de plaies. Caesbert se mit à genoux à l'entrée du temple, il montra ses blessures, puis il s'écria « J'ai vu le feu. Je viens du feu. Faites pénitence, car voici venir les temps nouveaux. Les hommes sont malheureux parce que la société est mal faite, parce qu'il y en a qui habitent des maisons blanches et d'autres des maisons rouges, parce que certains montent en souliers et d'autres en sabots, parce qu'il y en a qui boivent du vin et d'autres de l'eau, parce que les uns montent à la pêche pendant que les autres restent chez eux. En vérité, je vous le dis, il ne faut plus qu'il y ait de ces différences. Quand tout le monde boira de l'eau et ira en sabot, la paix et le bonheur régneront enfin sur la terre. » Le discours de Caesbert fit du bruit dans la ville, et le commissaire de police en avisa le bourgmestre. Le bourgmestre dit sans s'émouvoir « Caesbert est fou, il faut l'enfermer dans l'asile. » Caesbert était à peine enfermé que les gens de Stillendam virent arriver Caesdor. Caesdor avait bonne mine et il était bien vêtu grâce aux 57,50 francs que lui avait alloués le gouvernement français. Caes prit d'abord un bon repas à l'hôtellerie du Cygne. Après, il alla s'asseoir au bord du canal, sous les arbres verts du chemin de halage. Les mariniers, les pêcheurs et leurs femmes et leurs enfants s'assemblèrent autour de lui, alors il les enseigna en ces termes. En regardant la mort tous les jours, j'ai pensé à la vie. Je n'ai pas trouvé une nouvelle loi, mais j'ai retrouvé une loi une et éternelle, la loi des fleurs, des oiseaux et des étoiles. Comment la société peut-elle être bien faite si ceux qui la composent ne valent rien? Et quel est celui d'entre nous qui peut dire « j'ai vécu sans péché » au lieu de songer à corriger les autres, songeons à nous corriger nous-mêmes. Ne faisons pas comme ces hommes qui disent « j'aime l'humanité » et qui refusent de secourir le pauvre assis à leurs pieds. Il se lève parmi vous beaucoup de menteurs et de faux prophètes. Ces menteurs disent « pour être heureux, il faut posséder ». Quel est celui qui possède? Est-ce celui qui a des bateaux sur la mer et de l'or dans les banques? L'or n'est rien par lui-même et les bateaux sont à la tempête. En vérité, celui-là seul est riche, qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, car toutes les beautés de l'univers lui appartiennent. Je suis plus riche que tous les rois de l'Inde réunis. Il me faudrait des années pour énumérer tous mes trésors. J'ai des domaines sans fin. J'ai le ciel lourd de planètes, de soleil et de lune. J'ai des îles, des montagnes et des vallées. J'ai des forêts peuplées de lions, d'antilopes et d'éléphants. J'ai des lacs et des fleuves. J'ai des chemins sans nombre et des villes. Depuis que le monde est monde, des hommes de génie ont peint, sculpté, chanté pour moi. Ils m'ont donné des dieux et des déesses, des saints, des anges, des héros. Ils m'ont construit des palais et des cathédrales. Ils m'ont écrit plus de livres de poèmes que mon cerveau n'en pourrait contenir. Pensez-vous qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui possède ces trésors mieux que je les possède? Non. Alors, pourquoi me parlons-t-on d'une autre richesse que la richesse de l'esprit et d'un autre bonheur que le bonheur que l'on porte en soi-même? Une femme sortit de la multitude et elle demanda « Mais comment, ô maître, acquérir cette richesse et ce bonheur qui ne sont pas donnés à tout le monde ?» Quesdo répondit « Ils seront donnés à tous ceux qui ont le cœur pur. Pour avoir le cœur pur, apprenez à prier comme moi, mon Père, que ton règne de beauté et de gloire arrive. Que chaque jour de ma vie soit un jour d'amour. Délivre mes yeux et ma pensée de tout ce qui est mal gracieux et laid. Que je puisse encore longtemps adorer, voir et même souffrir. » Ce discours fut également rapporté à M. le bourgmestre de Stillendam. M. le bourgmestre ne réfléchit pas longtemps. « Nous enfermerons Quesdor aussi, dit-il. Seulement, comme il me paraît plus dangereux que Quesbert, nous lui mettrons la camisole de force. » C'était « Les deux prophètes » par Horace Van Hoffel.